Le couple dans la vie d'un homme inconscient ou dans la vie d'un homme conscient, c'est la même chose. C'est une structure sociale qui permet à deux êtres de dépasser la valeur sociale quand ils se conscientisent pour en arriver à l'unité d'esprit. Quand un couple est uni au niveau de l'unité d'esprit, ça se fracture pas le couple. De même. Je peux aller bien plus loin que ça. Je peux vous dire qu'un couple qui est uni dans la tête peut se séparer sur le plan de la nature animale puis revenir uni dans la tête et ne jamais souffrir parce qu'ils sont unis dans la tête. Mais vous n'êtes pas rendu à ce point-là encore. Vous n'êtes pas rendu à ce point-là. Il faut être bien mental pour ça. Mais un couple qui est uni dans la tête, ça ne se divise pas. C'est indivisible, là. C'est vibratoirement synthétisé. Ça ne se divise pas un couple. Et selon le pouvoir du mental, selon le détachement du mental des fonctions émotives ou des aspects sentimentaux, l'individu dans le couple peut se donner des libertés qu'un couple ordinaire qui n'est pas dans cette fonction mentale parfaite ne peut pas se permettre d'explorer sans subir les conséquences. Fait que les histoires des mariages à trois, puis des mariages à quatre, puis les mariages à dix, là, faites bien attention à ça. Faites bien attention à ça. Parce que si vous pensez que votre femme ou votre mari va être capable de prendre ça impunément, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Vous allez voir qu'elle a encore des sentiments, puis lui a encore de l'orgueil, puis sa vanité. Fait que checkez bien vos claques. Moi, je vous donne pas de conseils. Faites vos vies comme vous le voulez. Mais imaginez-vous pas que c'est parce que vous rentrez dans la conscience supramentale que vous pouvez vous donner le droit d'explorer sur des plans inférieurs des aspects de vie que vous ne pouvez pas intégrer sur le plan mental. Quand vous pourrez l'intégrer sur le plan mental, vous pourrez en avoir 25 femmes, si vous voulez. Ça ne change rien. Puis elle en aura 25 maris. Mais à ce moment-là, vous ferez partie de notre race. D'ici à ce temps-là, vous êtes encore enraciné dans la cinquième, puis vous avez encore des sentiments, puis elle a encore des sentiments, puis encore de jalousie qui peut sortir, puis encore toutes sortes de formulations d'une énergie émotionnelle qui peut mettre votre couple à terre, mes chers amis. Fait que checkez bien en garde. Parce que je te dis que c'était de cet incite, je ne sais pas si c'est la lune qui s'est dédoublée, mais on a des nouvelles. Je reviens à télépathie. Autant un jour l'homme se servira de la télépathie, autant aujourd'hui des êtres qui ne sont pas des hommes se servent de la télépathie. Et ceci crée un déséquilibre dans les ondes. Ça crée un déséquilibre dans les circuits universels, de sorte que l'énergie, au lieu de passer puis d'aller de l'homme au circuit universel, à part des circuits universels, elle s'en va vers l'homme. De sorte que l'homme va subir un trop-plein de cette énergie-là. Et le trop-plein de la communication télépathique va créer chez l'homme une sorte d'angoisse. Et cette angoisse va servir à ceux qui sont suffisamment proches d'une sorte d'instruction précise. Ça va le servir à réaliser le fait que l'homme n'a pas besoin de communiquer avec personne pour être. Que si l'homme est en communication avec de l'intelligence ou des intelligences, cette communication doit le servir. Si elle ne le sert pas, elle est insuffisante en elle-même et elle ne sert qu'à ajuster son corps mental et non à lui donner de l'information. L'homme n'est pas arrivé au stade encore où il peut vivre toute une vie sans penser parce qu'il s'ennuiera en maudit. Mais il va venir un temps où l'homme vivra des années de temps sans penser. Et c'est lorsque l'homme vivra des années de temps sans penser que l'homme possédera un pouvoir mental extraordinaire. Parce que c'est le fait qu'il pense qui diminue son intelligence. Mais in the meantime, l'homme va être constamment en relation vibratoire avec des réseaux qui lui communiquent de l'information. Et l'homme doit réaliser que les communications télépathiques, si elles ne le servent pas, ne sont pas en elles-mêmes bonnes pour lui, bien qu'elles servent à transformer son mental. Et c'est la seule fonction de la communication télépathique des plans invisibles avec l'homme, tant que l'homme ne sera pas dans l'éthérique et que l'homme ne pourra pas voir la source, les intelligences qui communiquent avec lui. Alors ça en dit beaucoup. Ça veut dire que tout ce qui vous est dit, puis tout ce qui vous sera dit pendant des années de temps, malgré que vous autres, vous êtes un peu avertis, parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît, mais tout ce qui sera dit à l'homme pour tester son émotivité, pour tester son mental, pour développer en lui une faculté supérieure que j'appelle la maturité de l'intelligence. Et la maturité de l'intelligence, c'est l'infaillibilité de l'intelligence. Et l'infaillibilité de l'intelligence, c'est la connexion parfaite entre le supramental de l'homme et la conscience moroncielle atomique de l'homme, dont il ne connaît pas l'existence aujourd'hui, à laquelle il n'a pas accès aujourd'hui, mais à laquelle un jour il aura accès. Et c'est cette conscience moroncielle atomique qui sera pour l'homme sa mémoire universelle et la source de toute sa connaissance. D'ici à ce temps-là, l'homme n'a pas besoin de connaissance. L'homme n'a pas besoin d'information. Ce qu'il doit savoir, c'est que s'il a de l'information, c'est simplement pour ajuster, pour tourner son mental et son émotionnel. Et arrangez-vous, vous autres, surtout vous autres, qui êtes en relation avec une instruction qui est solidement basée dans la conscience universelle, de comprendre que votre relation avec l'intelligence ne doit jamais être une relation qui exploite votre humanité, mais une relation dont vous en bénéficiez à tout instant. Et si vous en bénéficiez pas à tout instant, vous le vivez sur le plan de l'expérience, sur le plan du changement mental, du changement émotionnel, de la tension dans le mental, mais non pas sur le plan de la valeur informatique. Sans ça, vous allez vous faire prendre des culottes à terre, puis je vous l'aurais dit, puis ça sera votre affaire. Quand je vous dis une affaire, quand même ça sera dans 10 ans, vous le saurez, je vous l'aurais dit. La télépathie, c'est une expérience nouvelle pour l'homme, un peu comme la pensée était une expérience nouvelle pour les Atlantes. Un peu comme l'émotion était une expérience nouvelle pour les Atlantes au début de leur règne. Et comme la pensée était une expérience nouvelle pour eux autres à la fin de leur règne, lorsque les rishis ont commencé au Tibet. Alors, la télépathie, c'est tout le temps, c'est aussi nouveau pour l'homme qui vient, que la pensée l'a été pour l'homme ancien. Et comme l'homme ancien, nous autres, la cinquième sourate, on a fait des erreurs avec nos pensées, imaginez-vous qu'on peut en faire des maudites avec la télépathie. Checkez bien votre lampe. Ça veut dire que tout ce qui vous passe dans le cerveau, filtrez-les, regardez-les avec votre intelligence, parce que vous avez tout un peu d'intelligence. Tout un peu d'intelligence. C'est où vous mettez votre émotion là-dedans que vous allez faire des erreurs. Et que vous allez prendre la télépathie comme du matériel qui vous sert lorsque, en fait, la télépathie sera du matériel qui servira à changer votre corps mental, votre corps émotionnel, jusqu'à temps que vous auriez appris votre leçon, que vous serez rendu dans la maturité de votre intelligence. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de télépathie. Vous n'aurez plus besoin de télépathie. Puis s'il y a avec vous de la télépathie, si vous vivez du phénomène de télépathie, ce sera simplement un phénomène de référent qui fera partie de votre intelligence. Et à ce moment-là, vous comprendrez que l'ajusteur de pensée, c'est un mythe qui a été créé par les ajusteurs de pensée pour confondre les réseaux universels qui servent à déraciner l'homme de son intelligence pure. Puis ça, je vous en parlerai plus tard. Puis ça, ça fait partie des grands mystères et des grandes voiles de la cosmogonie du Rancier. Je vous crée des formes, puis j'ai détruit. J'en crée, puis j'ai détruit, pour vous faire avancer. Je vous donne des marches, puis j'ai fait sauter. Puis je vais tout faire sauter les marches que je vous ai données. Quand même, ça prendra 15 ans. À coup de 15 ans, il ne vous restera plus grand-chose. On which to hold yourself. Vous savez dans votre intelligence. L'homme est à l'aube de l'intelligence. On est au début de l'intelligence. au début. On ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'intelligence. On n'a aucune idée de ce que c'est de l'intelligence. Pour savoir, pour comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, il faut être fusionné. Et des hommes fusionnés sur la Terre, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être qui se disent fusionnés, mais ça fait partie de leur expérience. Des hommes fusionnés sur la Terre, il n'y en a pas gros. Puis c'est pas nécessaire d'être négro. Mais il y en aura de plus en plus avec le temps. Alors, si la pensée a servi dans l'évolution, la télépathie va servir dans l'évolution. Mais avant que la télépathie serve dans l'évolution, il faut que l'homme ait atteint le stage du magicien. Et le stage du magicien, c'est le stage où l'homme connaît, comprend, saisit tout, sait tout. C'est le stage où l'homme comprend tout, saisit tout. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre tout puis saisir tout? Ça veut dire comprendre tout puis saisir tout. Fait que ça se définit pas, comprendre tout puis saisir tout. Comprendre tout puis saisir tout, ça veut dire comprendre tout puis saisir tout. Fait que tant que l'homme n'est pas arrivé au stage où il comprend tout ce qui se passe en lui puis qu'il saisit tout ce qui se passe en lui, il est sujet à de l'information télépathique et automatiquement, il est sujet à la politique socialisante de l'esprit que j'appelle la socialisation spirituelle de l'humanité. Ça, c'est la nouvelle vague qui a déjà commencé, mais qui va se répandre énormément dans les années qui viennent. Puis checkez bien 80. J'ai pas commencé à parler en gros. On est très disposés, les hommes, à être informés. Je vais vous dire pourquoi on est disposés à être informés. On est disposés à être informés, on était disposés à la télépathie parce qu'on n'est pas dans notre intelligence. Un homme qui est dans son intelligence n'a aucune disposition à être informé par télépathie. OK. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Qui c'est qui communique ça? Qui parle? Il doit en avoir qui dit ça, qui communique ça? Bon. Ah, pas tout, je te trace pas. Hello! Qui c'est qui communique là? Facilement. Ah, hello. Bon, je vais dire. Oui. Demande dans ta tête pourquoi je n'ai aucune confiance à la communication télépathique dans ma tête. C'est que tu as compris. Parce que je n'ai pas de besoin. Exactement. Parce que je n'ai pas de besoin. Et quand les hommes comprendront ça, Louis Farber en particulier, quand les hommes comprendront ça, vous commencerez à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, pas avant. Fait que dites-moi pas vous êtes dans l'intelligence. Vous n'êtes pas dans l'intelligence. Vous êtes lié à des circuits universels. Vous êtes lié à des circuits d'information. Vous n'êtes pas dans l'intelligence. Ça, c'est un point. C'est absolu, ça. Je vous le mets devant vous autres. C'est absolu. Vous n'êtes pas dans l'intelligence. Vous êtes en relation avec des circuits universels, mais vous n'êtes pas dans l'intelligence. Parce qu'un homme qui est dans l'intelligence est capable de transformer, de mutiler, de déformer, de détruire n'importe quelle forme qui est liée à son esprit par voie télépathique mentale en relation avec les circuits universels. C'est pour ça que je vous dis que la connaissance est une illusion. Fait que mettez ça dans votre pipe. Une fois pour toutes. Ça se comprend pas, ça, ça se sait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin, je dis pas que vous êtes pas intelligent, parce que vous êtes en communication avec les sous-universels. Je vous dis que vous êtes pas dans l'intelligence. Il y a une différence à être dans l'intelligence puis être intelligent. Moi, je suis pas intelligent, mais je suis dans l'intelligence. Vous autres, vous êtes intelligent, mais vous êtes pas dans l'intelligence. C'est ça la différence. Maudit, fais chose. C'est bien important, ça, ce que je vous dis. C'est fantastique. C'est bien important. Bien important. On est chanceux de le savoir. Y en a-t-il qui comprennent ça, ce que je dis? Hein? C'est facile à comprendre, mais c'est pas facile à vivre. J'ai raison. Vous avez raison. Oui. Oui. Mais c'est important de comprendre ça. Ça, c'est des clés de voûte. Je vous donne des clés de voûte, puis des clés de voûte, puis des clés de voûte, puis des clés de voûte. C'est des clés de voûte. Je vous donne des clés de voûte, ça tient un certain édifice. Ensuite, je vais faire sauter, puis vous en donnez un autre pour faire sauter. Fait que ça vous permet éventuellement d'en arriver à être dans votre intelligence. Et non pas à être esclave des circuits universels. Puis là, ça s'ouvre, Charlie. C'est comme des dames. Fait que tu sais qu'arrive, tout le monde craque. Jésus qui s'en vient, l'autre Jésus qui s'en vient. Il y a des Jésus en Afrique, il y a des Jésus aux Indes, il y en a au Québec, il y en a. Il y en a partout. Le Christ est là. Puis il le dit, le Nazaréen, dans le temps. Il disait, quand ils vont dire, je suis là, puis je suis là, puis je suis là, c'est ça qu'il voulait dire. Il avait raison. Vous voyez de l'air, madame. Tu vois, j'ai dit, madame, ça me fait rire parce que c'est pas spirituel. Vous voyez, là? C'est ça la vibration. C'est sûr, hein? Si vous étiez mental, vous ne ririez même pas. Ça va loin, la vibration. Ça ferait vrai. Je reviens au cas. L'essence d'un couple conscient, c'est la relation parfaitement mentale entre les deux individus. C'est ça l'essence d'un couple conscient. La relation parfaitement mentale entre les deux. S'il y a moindrement de l'émotivité dans un couple et que ça entache la mentalité du couple, le couple n'est pas uni. Il est réuni. Les éléments sont réunis, mais ils ne sont pas unis. Et le problème dans les couples, c'est que les individus, les parties sont réunies. Elles ne sont pas unies. Et un couple, les parties dans un couple ne doivent être jamais réunies. Elles doivent être unies. Et pour qu'elles soient unies, il faut que ça soit fait au niveau de l'intelligence de chaque partie. Si c'est fait au niveau des sentiments ou d'un peu d'intelligence, mais de trop de sentiments ou de certaines illusions, à ce moment-là, le couple est réuni. Et un couple qui est réuni peut être désuni. Je reviens en télépathie. Ah, ça me rend la vie plus facile de changer un peu. Parce que j'ai plus grande tolérance. Plus je vois, le moins j'ai de tolérance. La télépathie, à peu près dans 15 ans, ça va mystifier énormément les gens parce que les gens vont commencer à entendre télépathiquement dans leurs oreilles. Au lieu d'entendre dans leur mental, ils vont entendre dans leurs oreilles. Et quand une personne commence à entendre dans ses oreilles, automatiquement, elle sent une présence très près d'elle. Puis si elle est moindrement sensible, elle peut la voir, la présence. Et c'est ça qui va se produire. C'est que la télépathie va commencer auditivement, puis là, la présence va commencer à se faire sentir, puis petit à petit, l'homme va commencer à voir la présence, puis commencer à voir, puis à voir. Puis éventuellement, l'homme va voir la présence, puis l'homme va voir avec qui il est télépathique. Et quand l'homme va pouvoir voir avec qui il est en communication télépathique, ça ne sera plus de la communication mentale. Ça sera une communication éthérique par le biais des corps éthériques en activité. Autrement dit, c'est votre corps éthérique qui communiquera par télépathie avec un autre corps éthérique, mais au niveau de la conscience atomique de vos corps. De sorte que l'homme comprendra éventuellement dans une 17 à une quinzaine d'années, parce que ces processus-là, ça se fait lentement, que la télépathie ne doit jamais être dans le mental. Quand un homme subit une télépathie mentale, il est automatiquement dominé par une autre intelligence. Une télépathie doit être auditive et non mentale. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des mythes, il y a énormément de mythes vécus par l'homme, qui ont été vécus par l'homme, qui ont été transférés dans des livres de science-fiction, puis dans des livres, dans la télévision, puis toute la scène. Que la télépathie, elle se fait ici. La télépathie ne se fera pas là pour l'homme, elle se fera dans l'oreille. Quand on se parle, c'est qu'on s'entend. Alors, demain, quand on se parlera, ça sera ici qu'on s'entendra, mais dans l'oreille éthérique au lieu de l'oreille matérielle. Et cette télépathie-là sera parfaitement sécure. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme reçoit de l'information dans le mental, il reçoit de l'information à travers le mécanisme des pensées qui font partie des éthers, qui sont mis en vibration par d'autres intelligences. Et les pensées qui sont dans les éthers de la planète présentement sont des pensées qui sont déjà contaminées. C'est-à-dire que ces pensées-là ont déjà servi à la mémoire de l'homme. Ce sont des pensées qui ne font pas partie de l'intelligence. Le courant d'intelligence qui se communique d'homme à homme doit se communiquer par l'oreille éthérique. Et dans cette oreille éthérique-là, il n'y a pas de pensée. Il y a simplement de la voix. Et c'est par la voix communiquée télépathiquement par le biais du corps éthérique et perçue auditivement par l'homme que l'homme reconnaîtra celui avec qui il parle, puis éventuellement l'homme pourra le voir. Et ça a été tellement caché à l'homme, ça, que la télépathie perçue dans le mental est une subjugation de la territorialité psychique et mentale de l'homme, que ça prend un homme, ça prend un être qui vient dans le monde des hommes, comme moi-même, pour que l'homme le sache. Sans ça, l'homme n'aura jamais su. Parce que les intelligences n'auraient jamais révélé à l'homme. Parce que pour le savoir, ça, il faut le savoir par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir par soi-même. Par soi-même vécu. Faut l'avoir par soi-même compris. Faut l'avoir par soi-même souffert. Faut en avoir souffert les conditions. Et les conditions de l'évolution qui ont été vécues par l'homme, qui ont été expérimentées par l'homme, les souffrances ou les voiles qui ont été imposées à l'esprit de l'homme à cause de l'évolution, je les ai tous vécues. Alors, c'est pour ça que l'homme aujourd'hui peut connaître, peut savoir et peut sortir des mythes qui transcendent la psychologie ésotérique de l'humanité pour que l'homme éventuellement se méfie de tout ce qui n'est pas intelligence et qu'il se raccorde en parfaite harmonie avec tout ce qui est intelligent. Très dangereux la télépathie. Très dangereux. Très important la télépathie. Très grand la télépathie. Couteau à double tranchant la télépathie. Je reviens au cours. Plus l'homme va avancer dans l'intelligence, plus son couple, plus le couple sera soumis à des tensions vibratoires qui chercheront à le séparer. Ça, c'est important. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Et les couples qui sentiront une tendance à la séparation devront exercer leur pleine intelligence parce que cette tendance sera là pour tester leur volonté. Ça, je vous en donne un point de référence, au bout. Pour tester votre volonté, pour tester votre intelligence, pour tester votre capacité de maintenir sur le plan matériel le quelque peu d'intelligence de couple réparti dans deux individus que vous avez. C'est un test. C'est un jeu de l'esprit. Puis là où vous allez vous trancher, c'est avec vos émotions. Ou là où vous ne verrez pas clair. C'est un test. Pas tout le monde, mais beaucoup. Parce que le développement de l'intelligence doit créer une scission entre la cinquième et la sixième race. Le développement de l'intelligence doit réparer les unions entre les hommes, c'est-à-dire unir les hommes en esprit au lieu de les réunir dans la chair. Et automatiquement, tous les couples n'auront pas la capacité de vivre les conditions de patience et d'intelligence qui sont nécessaires pour vivre l'unité dans l'esprit aux dépens de la chair. C'est définitivement un test pour certains couples, pas pour tous, mais pour certains couples. Je ne vais pas mettre tout le monde sur le spot, parce qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais certains couples qui n'auront pas, puis je vais vous dire dans quelles conditions ça va arriver, ce sont les conditions universelles. Je peux vous donner des points de référence pour votre couple. Les couples qui n'auront pas, les couples, ou les deux individus dans un couple qui n'auront pas découvert, qui n'auront pas touché à leur intelligence, seront testés pour qu'ils en arrivent à toucher leur intelligence ou à se séparer. Ceux qui auront touché de leur doigt à leur intelligence seront testés pour développer encore une plus grande volonté dans leur intelligence, pour unir encore plus leur couple. Un exemple parfait, c'est toi et Hippolyte. Là, vous avez passé le cap. Si vous avez passé le 4. Mais ça, c'est un exemple. Je te prends comme exemple. Là. Un exemple. Alors, il faut que les gens mettent leurs doigts, sentent leur intelligence, mais sentir son intelligence, puis être dans son intelligence, il y a du temps. C'est là que la patience entre en jeu, puis l'intelligence rentre en jeu, puis la réalisation que nous autres, les hommes, faut pas qu'on se fasse prendre dans le jeu de notre propre manque de volonté, dans notre propre insuffisance d'intelligence, puis dans notre manque de patience. Fait que si t'es une femme, puis t'es un mari, t'es bien avec ton mari, tu l'aimes ton mari, whatever, il y a de l'intelligence dans ton couple, partez de là, puis bâtissez-les. Si vous êtes pas capable, si vous avez pas la force, en relation avec les chocs vibratoires puis les conditions qui vont vous mettre chaque jour, votre couple peut prendre une débâcle. Mais je dis, c'est pas pour tout le monde. J'ai une raison pour dire que c'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui le vivront. La raison pour laquelle les couples doivent être exercés dans leur unité individuelle, doivent être exercés dans leur psychologie intelligente individuelle, c'est parce que viendra un jour où un couple, dans un couple, il y aura une séparation, mais une séparation temporaire pour des activités temporaires. Parce que le couple de ceux qui feront partie d'un certain nombre dans le monde ne sera pas dans l'avenir fixé dans sa relation comme aujourd'hui. Parce que dans l'avenir, les hommes, les femmes qui se font partie des couples auront des activités très particulières et il y aura des hommes qui devront partir pour un certain temps et des femmes qui devront partir pour un certain temps, de sorte que le couple devra demeurer uni en esprit. S'il faut que les couples soient réunis à cause de la chair et à cause des conditions matérielles et qu'un s'en va pour 3 ans puis l'autre reste à la maison pendant 3 ans, ils vont trouver ça top. L'autre, il va revenir à la maison puis l'autre va être accouplé avec un autre. Alors, c'est tout en fonction de l'avenir de la sixième race, c'est tout en fonction de l'avenir de l'homme, de l'individu, parce que, du point de vue cosmique, le couple n'existe pas. Le couple, c'est une condition qui fait partie de la vie des lois sociales humaines sur la Terre, parce que l'homme est incorporé dans un corps matériel. Mais lorsque l'homme aura accès à d'autres plans, le couple n'existera plus sur le plan psychologique humain en fonction des lois psychologiques humaines. Il existera en fonction de l'unité de l'esprit. Mais c'est inutile d'aller trop loin là-dedans. Aujourd'hui, dans le monde, les forces spirituelles, pour revenir à la télépathie, les forces spirituelles se servent de la télépathie pour deux raisons. Premièrement, pour prendre possession de la conscience astrale de l'homme. Et deuxièmement, pour avertir l'humanité de certaines choses qui font partie de la fin du cycle. Dans le deuxième cas, quand tu es intelligent, tu sais anyway. Ce que tu ne sais pas, peut-être, ce sont les conditions particulières. Tu n'as pas besoin de savoir, anyway. Dans le premier cas, c'est dangereux parce que ça enlève à l'homme sa capacité de réaliser par lui-même les raisons spirituelles du monde des esprits. Et laissez-moi vous dire que le monde des esprits et le monde de l'homme, ce sont deux mondes qui sont diamétralement opposés. Dont l'un, le monde des esprits, converge complètement vers l'homme, et dont l'autre, le monde de l'homme, absorbe complètement ce qui est fait en haut. Et l'homme ne peut pas être surhomme tant qu'il n'est pas complètement libre des intentions qui existent dans le monde des esprits, parce que le monde des esprits n'est pas un monde en fusion. C'est un monde en gestation, c'est un monde en évolution, c'est un monde en préparation, c'est un monde qui travaille, c'est un monde qui s'occupe de l'évolution ou de l'évolution d'humanité, mais ce n'est pas un monde en fusion, de sorte que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'intelligence pure. Il y a de l'intelligence temporaire. C'est-à-dire qu'ils ont l'intelligence du temps. Plus ou moins approximativement. Mais ils n'ont pas l'intelligence pure. Et pour que l'homme ait l'intelligence pure, il faut qu'il soit en relation vibratoire avec l'énergie de l'intelligence. Et un homme qui est en relation vibratoire avec l'énergie de l'intelligence, l'est sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique éventuellement, parce que c'est une force de vie, puis c'est ça éventuellement qui l'amène à l'immortalité, puis c'est ça éventuellement qui lui donne le pouvoir de voir dans l'invisible, parce que l'homme doit un jour voir dans l'invisible comme il voit dans la matière. Afin de ne plus être dupé par l'invisible du monde des esprits, autrement dit l'invisible astral, et pour être simplement et d'une façon permanente en contact avec l'invisible mental. Donc c'est bien important l'affaire de la télépathie. Je vais parler un petit peu de sexualité. La sexualité, c'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. C'est quelque chose que l'homme ne contrôle pas. C'est quelque chose c'est quelque chose dont l'homme n'a pas l'intelligence. C'est quelque chose que l'homme vit par réaction. C'est quelque chose que l'homme ne vit pas par action créative intelligente. De sorte que la sexualité peut être un piège à l'homme qui va vers la conscientisation parce que la sexualité testera son émotivité et son intellect et automatiquement mettra son couple en danger s'il n'est pas suffisamment avancé dans l'intelligence, dans la maturité de son intelligence pour voir clair à travers du piège. Et quand je parle du piège, je parle de ceci. Je dis, toute expérience est bonne, toutes les expériences sont bonnes, mais je sais que beaucoup d'hommes souffrent des expériences qui pourraient très bien s'éviter s'ils n'étaient pas pris dans des illusions. Et la sexualité, c'est une des grandes forces sur la Terre. C'est très facile. C'est très facile. Aux forces dans l'invisible de faire vibrer le corps astral de l'homme. Et si le corps astral de l'homme vibre, si l'homme, la sexualité chez l'homme est en fonction du corps astral seulement et n'est pas en fonction de l'intelligence. Si la sexualité est contrôlée par le corps astral. Si la sexualité vient en vie par le biais du corps astral, ce n'est pas une sexualité qui est contrôlée par l'intelligence et automatiquement, l'homme peut, dans certaines conditions, et la femme, peuvent, dans certaines conditions, être testées au niveau de leur sexualité. Ah, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui en ont. Je parle pas pour tout le monde, mais je parle pour du monde. Lorsque l'homme entre dans un cycle nouveau, surtout celui dans lequel on entre, je vous assure, selon le plafond de chaque individu, par chaque homme un plafond, que tout, tout est utilisé pour l'amener à l'intelligence. C'est pour ça qu'il y aura très, très peu d'hommes sur la Terre qui atteindront leur intelligence pure. Dans la prochaine génération. Nous, les hommes, sur le plan matériel, on a un consensus de l'ordre. Mais on n'a jamais souffert du désordre créé par l'énergie d'intelligence. De sorte qu'on prend l'ordre que l'on vit comme un ordre bien naturel, quelque chose qui fait déjà partie de notre expérience. Ça n'a jamais été mis en question, notre ordre. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, ça fait 20 ans qu'on est bien ensemble, et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que même si ça fait 20 ans que vous êtes mariés, ils peuvent vous tester au niveau de votre volonté et de votre intelligence et mettre votre cas on the rocks. Dans la balance. Puis si vous êtes assez stupide pour le briser, ce couple-là, ça, à ce moment-là, ça fera partie de votre expérience. L'ordre humain et l'ordre créé par l'intelligence, ce sont deux ordres très différents. Et quand l'intelligence, l'énergie de l'intelligence crée un ordre dans la vie de l'homme, l'homme est parfaitement heureux. Mais l'ordre qui est créé par cette énergie-là dans la vie de l'homme, il y a un prix pour. Et le prix, c'est la destruction de l'ordre humain pour la reconstruction d'un ordre ultérieur qui convient à l'homme et qui convient à l'intelligence dans l'homme. Laissez-moi vous dire que quand vous avez construit cet état-là, vous l'avez construit au prix de votre intelligence, de votre patience et de votre volonté. Il est indestructible après. C'est pas comme l'ordre humain qui est destructible. Il est indestructible après. Mais il y a un prix pour. Un maudit prix. C'est là que je vous dis, si vous avez des ménages qui durent depuis plusieurs années, ouvrez vos lumières. C'est facile pour un homme et une femme d'avoir l'impression que ça va aller mieux avec un autre. Facile. Parce que l'autre, il y a un corps neuf. C'est un corps neuf, c'est un autre corps. Il y a une psychologie différente. Facile. C'est bien plus difficile d'exploiter la profondeur de notre intelligence et la profondeur de l'autre, puis en arriver à ça. Ça, c'est plus tough. Ça prend des reins forts. malgré qu'il y a des conditions où c'est nécessaire qu'il y ait ce changement-là. Il y a des conditions où les gens sont suffisamment intelligents pour réaliser certaines choses. D'accord. À ce moment-là, il peut y avoir une rupture. Mais c'est à l'avantage de tout le monde. S'il y a une rupture dans un couple, ça devrait toujours être à l'avantage de tout le monde. Puis, quand c'est à l'avantage de tout le monde, tu t'aperçois après quelques semaines puis quelques mois qu'effectivement, c'est à l'avantage de tout le monde. Mais il faut faire bien attention, parce qu'ils sont mauditement chiants. Ils sont mauditement chiants. Quand on réalise que nous autres, les hommes, on est subordonnés à des énergies qui font vibrer notre corps émotionnel et notre corps mental. Parce qu'oubliez pas les conditions de votre vie demain. Ce que tu vas faire demain après-midi, puis ce que tu vas faire dans 4 ans, puis le gars que tu vas rencontrer dans 5 ans, puis le gars, la fille que tu vas rencontrer dans 4 ans, toi, tu le sais pas. Eux autres le savent. Puis ils peuvent très bien te faire changer de couple, puis en attendant, ça marche, puis un jour, tu vas rencontrer un autre moineau, puis tu n'avais jamais pensé à ça. Puis là, ça va être... Ils vont créer encore d'autres conditions. C'est ça que je veux dire. Pour qu'un homme et une femme soient parfaitement sûrs l'un de l'autre, c'est-à-dire sûrs d'être bien ensemble, sûrs d'être unis ensemble, il faut qu'ils soient dans la même intelligence. S'ils ne sont pas dans la même intelligence, vous n'avez aucune garantie qu'un jour ou l'autre, comment que ça serait dans 10 ans, il ne vous plante pas un autre cheval blanc sur votre route, puis un autre madeleine. C'est ça que je veux dire. Parce que leur plan doit coïncider avec notre plan. Puis notre plan doit coïncider avec leur plan. Puis ça, ils vont travailler à ça tant que ça ne sera pas fait. Moi, ils l'ont essayé avec moi et ma femme après l'initiation. Mais je voyais clair en maudit. Ils l'ont essayé avec moi et ma femme. Pas en fonction d'une autre femme, mais en fonction que elle avait tellement souffert, elle était prête à en prendre. Elle était à son top. Là, puis comme moi, j'étais fusionné, mais moi, ça n'avait plus de limite, plus de limite, plus de limite, puis elle a fini, puis elle a fini, puis elle a fini. Puis quand elle a dit, ouais, c'est soit eux autres ou moi, c'est là, là que moi, j'ai été obligé de réellement tourner l'affaire de bord, puis dire, ouais, vous autres, là, mangez de la marde, là, calice. Puis ça, c'est ma femme que je m'occupe. Ça m'a pris 3 mois pour contrôler ces vibrations-là, parce que moi, je n'avais pas paquet. Je suis 220, moi. Ça a pris 3 mois. 3 mois. Puis si j'avais pas été suffisamment dans mon intelligence, suffisamment intelligent, j'aurais dit, hey, j'ai une job à faire, moi, là, là, va-t'en. J'aurais détruit ma femme, parce que ma femme m'aime bien gros, puis moi, j'aurais commencé avec ces yo-yo-là. C'est ça de la spiritualité, Charlie. Si j'avais été moindrement spirituel, qu'est-ce que j'aurais fait? La connexion, hein? Sauver l'humanité, dans le cul l'humanité, calice, ma femme. C'est ça que j'ai fait. Puis quand ça a été pris la décision, ils ont dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Après, pas avant, c'est pas eux autres qui m'ont dit, faut que tu ailles vers ta femme, faut que tu t'occupes de ta femme. Après, quand moi j'ai pris la décision, c'est ma femme. C'est là qu'ils ont dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Watch it, baby. Ah, l'énergie, puis l'énergie, puis l'énergie, puis l'énergie, puis l'énergie. En 50 termes de l'énergie, puis l'initiation, puis l'initiation. Un jour, tu n'as plein cul de l'initiation. Puis on est ici, on n'est pas là. Faut voir terre en maudit. C'est ça, je vous donne le bénéfice de mon expérience, moi. Moi, j'étais intelligent sacrément. Laissez-moi vous le dire. Chris vient sa taille, il est venu de montrer sa tâche, Charlie. Le gars qui va me dire que c'est le Chris, il est venu de montrer sa tâche. Ah, c'est le Christ, bonjour. Vous allez en voir de toutes les couleurs dans les 15 prochaines années. Là. Ah, ça. Je m'en vais bien vite. Pas longtemps. 84, vous allez être seul en maudit. Vous allez en voir de toutes les couleurs.